Salut à tous, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Olivier Stéphane. Alors ma galère, c'est pas vraiment une galère, c'est un souvenir, un peu rigolo. J'avais fait un concours d'humoriste il y a quelques temps, c'était il y a 6 mois, à Lyon. L'ordre de passage était tiré au sort et je me suis trouvé deuxième, quoi. J'ai écouté le sketch du premier, j'ai fait mon sketch, je suis descendu de scène et après, j'ai écouté les autres, mais je t'avoue que je m'embêtais un peu, quoi. Je m'installe devant le bar, quoi, et elle me dit, la barman me dit, t'es humoriste, toi, tu viens de passer. Elle me dit, tu sais que c'est open bar pour les humoristes. Ah, je dis, écoute, oui, ça peut éventuellement m'intéresser, mets-moi une bière. Et donc, il y avait 10 humoristes derrière moi avec une entracte de 15 minutes. J'ai passé ma soirée à boire des bières. J'étais joyeusement encoché en fin de soirée. Et il se trouve qu'en fait, mes parents étaient venus me voir pour la soirée. Je suis rentré entre mes deux parents en métro. J'ai 40 piges, j'avais l'impression d'avoir 14 ans et de m'être fait gauler en sortie de boîte. C'était pas une galère, mais c'était un super souvenir et j'ai pas eu de mal à m'endormir. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Ouais, Facebook, Olivier Stéphane sur scène. Voilà, donc Stéphane, c'est comme Stéphane, sans l'accent et sans le E à la fin. Exactement. Voilà, tout simplement. Donc, Olivier Stéphane sur scène. Et peut-être Twitter, Instagram, YouTube ? Facebook only, d'accord. Bon, merci beaucoup à toi. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.